Ma famille, c'est ma fortune, la fraternité me parfume. La paix m'entoure, y'a aucune guerre qui nous consomme. Dans mon discours, j'oublie jamais ce qui me ressemble. La famille, si, petit à petit, nous on se rassemble. Depuis tout petit, on partage tous la même chambre. On mange dans le même plat et on boit dans le même bol. Je suis fils de talibé, pour mes frères et sœurs, je suis prêt à calibrer. Et nique si l'état me sert, voici le Val-de-Marne. Ici pour représenter, ma famille pour présenter. Je suis pas là pour présenter, tu te biches, t'explique pourquoi on va tout niquer. Car j'ai la meilleure âme, chez nous on est 25 unités. Plus les coups et les sauts, c'est ceux qu'on chasse en faf. Plus les 400 yens, Alpha et le ghetto fab. Silex et les Percy, tous autour d'une table. J'ai les plans, les croquis pour mettre bien nos semblables. Unité malsaine, union malsaine. Y'a que ma famille qui trempe ses doigts dans le fond de l'assiette. Le cœur du partage, on anticipe. Rap massif, anti-schmitt. Grenade dans la piscine, mon rêve, putain d'infanticide. Je reste dur, même si cette pute de France n'est pas bonne. Je reste bonhomme, le dollar, je barre, j'ai un gun sur la colonne. Je pars au braquage, Schmitt contre braquage. On se partage, on cicatrise comme les légions de Carthage. J'ai pris le temps de vivre, couvrir mes arrières, partager ma vie, ouvrir les coffres comme une césarienne. Béli Blanco, le cri des blocs, le corps s'écrit des glocks. Plus de crips, plus de blood, moi et mes crouilles pour le hood. Ils aimeraient faire taire la fourmilière, nous foutre à genoux. Mais ce qui brûle, c'est la poudrière. Fuck l'état policier nerveux. Mes actionnaires sont du terre-terre et dangereux. Définitivement hors jeu, humainement décédé. De la boucherie, mais ça, que pour posséder la violence, le procédé. J'arrive des saules, gros c'est 9-4. Dans l'issue, Ranma est dans les stupes. Voilà nos habitudes. Mais comme un scud, nous on peut sauter à tout moment. Clique pas dans un crâne et fuir le continent. Malsaine est l'union des miens pour les forces de l'ordre. Pourtant ce qu'on veut, quand on s'est graillé pour ne pas mort. Adepte des codes de la rue et toutes ces bastos. Tu sais pas ce qu'on a fait juste pour s'offrir un gastos. Mes cassos à mes côtés, qui veut boycotter. Tout le monde à terre avant que je termine de vous découper. Tu sais mon crew, c'est une famille nombreuse. Y'a des singes, des brutes, des truands bornés dans la brousse. Je suis prêt à mourir avec ma bande, mon gang c'est l'esprit du clan. Cherche pas à comprendre, zoom. Ghetto la belle 9-4-500, chacun son camp. Que serait le parasol, son clan, rien. Protège la reine au milieu des faux. L'hyène s'attaque au lion négro. Faut bien qu'on bouffe, c'est capouche boum. Tu me reconnais, devant le juge 7 péchés. Les hyènes sont tous honnêtes. Tu peux retirer mes lacets, mes pinces, mon fric. Mais t'auras rien de moi, pédé. Faut que les indiques bougent. Serre pas la main, t'es juste un ex-frère devenu un flic. Y'a encore du trafic dans ma musique. Je marche avec ceux qui mangent avec les mains. Quand y'a un coup de rein, c'est un mariage et 4 enterrements. Bienvenue dans nos bad games, dans nos bad trips, dans nos bad games. Quand y'a pas de rime, gros y'a que des problèmes. Y'a que des tas de crimes, toujours en progrès. Ce qui nous chagrine, toujours en projet. Jouer en pro, ouais. L'oseille restera le pétrole de nos coets. La méthode sera pas coé, ma plume pas celle d'un poète. Donc vas-y, cap cette info. Expert en MC, c'est info. Nous ferons pas payer cet impôt. Écoute cette intro, à force à scène, c'est un bon. J'rappe pour mon frère qui n'est plus ce qu'il était dans le temps. Lorsqu'il était enfant, qu'il était innocent. Un passé qui t'a laissé des traces d'innocent. 9-4, tu le sais, c'est juste un 16 que j'tue. Pendant que ça braque, dis le sexe, sont tous dans les postures. Confond pas les chats et les hyènes, c'est tous des impostures. Représente nos unions malsaines, si j'reste dans ma posture. Yeah, débarque, moi et mes plaques, le son éclat. 9-4, la parole et les actes, négro du sang sur les plaques. Nique la bac, mon clan est casto, je répète ça. Nique la bac, yeah. L'union est malsaine et la guerre se déclare. Les mines ont la fronde depuis la case départ. Mon place a pris du volume comme les dérives du crack. Négro une braque, si t'as les crocs, viens faire un tour dans mon staff. Yeah, fais-moi mystérieux, prêt à défourager. Pas lié, l'hyène, l'affaire est quadrillée. Petit mon clan, je fais briller. Au canon scié, ceux qui veulent nous défier. Qui gagne les billets qu'on démarre, histoire de plier. Pensez pour les frères, aller des tuyas et des peupliers. Yeah, y'a tellement de fric de gaspiller. Mon clan a pris les armes, tiens, va crier. Mais qui ne fiche de pute est mon seul hobby. J'ai de faire limer son numéro de série. Ok, les négros ont ouvert le livre. Va leur dire que Alpha va fermer le chapitre. J'annonce la neige au milieu du désert. Et j'attends le Père Noël perché sur un dromadaire. Embrouille de toi, règle, respecte-moi ou meurs. Dans quel film ta vie, Kadakar, on a peur. une vision, tu sais ce qu'on fait pour l'honneur. Si tu manques de respect à nos femmes et nos sœurs, et ma vie de fille, je revois que des flashs, comme le corps de mon frère dans une benne à trash. Étouffable ma famille, mon clan et mon sang. Sur la colline de Chacal, je compte jusqu'à 400. Demande aux hyènes, alpha jamais se prosterne. Le Seigneur me témoigne, j'ai pas peur de tes flingues. Bata, bata, bata.